Mon enfant de Berlin, Mon enfant de Berlin. Dan Wieczemski. Adaptation, Victoria Cario. This is Bob Benson speaking to you from the marquee of the Hotel Astor in Times Square in New York City. Deuxième épisode, il s'appelle Ivan Wieczemski. Été 45, la fin de la guerre. Claire Mauriac, toute fille du célèbre écrivain français qu'elle est, s'est engagée comme ambulancière au sein de la Croix-Rouge. Elle vient de rejoindre Berlin, où elle est chargée de rapatrier les prisonniers de guerre. C'est une tâche difficile, mais qui lui tient à cœur. Une tâche qui, pour la première fois de sa vie, lui donne le sentiment d'exister. « 10 septembre 1945. Chère maman, je commence à m'habituer aux ruines et la vie à Berlin est passionnante, à condition de ne pas être berlinois. L'autre jour, il y a eu, pour fêter la fin de la guerre au Japon, un défilé épatant. 1000 Russes, 1000 Français, 1000 Anglais et 1000 Américains. Le défilé russe a été formidable. Un mur compact, un seul homme. Vous avez dû les voir au cinéma, mais cela n'a rien à voir avec la réalité. » Ce qui fut merveilleux pour nous, c'était de voir les Français qui tenaient la même place que les autres. Autant d'hommes, autant de drapeaux. Le général Joukov est passé à un mètre de moi, avec autant de décorations que Göring. En face de nous, la musique de ces quatre pays. Vous imaginez notre joie d'entendre « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » sur la grande avenue où Hitler a fait tant de grandes parades ? Chez les officiers anglais, on y va. La bouffe est infecte, mais après on dansera. Hein? Vous en dites quoi, les filles? Claire, ça te dit? Pourquoi pas? J'ai bien envie de danser. Alors on y va. 15 octobre 1945. Chère maman, nous vivons dans une grande maison à 4 étages. Maison de fou où l'on ne peut pas s'ennuyer. Au premier étage des Belges et des Français, femmes. Bureau, chambre, salle à manger, etc. Deuxième, bureau des officiers français. Troisième, appartement du personnel de la division des personnes déplacées. Quatrième, plusieurs chambres, dont la mienne, que je partage avec Mistou. Depuis 2 jours, nous sommes chauffés. Et depuis aujourd'hui, je peux me baigner dans ma baignoire, car nous avons, Mistou et moi, une salle de bain. Peut-être partirai-je demain en zone polonaise. Ici, on parle beaucoup de guerre. Mais on en parle de façon tellement simple qu'il n'est pas question d'avoir la moindre peur. Seulement, on n'a pas envie de faire le moindre projet d'avenir. Ne pas mourir trop vieux, cela simplifierait beaucoup de choses. Hier, j'ai été chercher les cendres de 87 Français fusillés par les Allemands. Nous les avons prises au four crématoire de Brandebourg. Ce sont tous des Français très jeunes, condamnés à mort pour sabotage ou espionnage. Vous ne pouvez pas imaginer l'effet que ça m'a fait. Un petit vase, un nom, une date, c'est tout ce qui restait d'un être vivant. On attend d'un jour à l'autre l'arrivée de trains d'Alsaciens. Je ne sais pas encore exactement quand je pourrai rentrer à Paris. Hier, il a été décidé que nous reviendrions à la fin de ce mois-ci, mais on veut nous garder pour ces trains d'Alsaciens. Il faut qu'il y ait des ambulances ici, et si nous partons... Nous serons remplacés, chose que nous ne voulons pas. Vous savez, nous commençons à être très bien. La maison est devenue confortable. L'hiver sera naturellement affreux pour les Berlinois, mais en tous les cas, pas pour nous. Ma maman, je vous embrasse. Claire, Mistou, dépêchez-vous. Mais je trouve pas mon mascara. Tiens, prends le premier. C'est vrai, je peux. Et ton eau de toilette à la citronnelle, je peux aussi. T'es impossible, toi. Claire, Mistou, ça va? J'arrive. Deux semaines plus tard, un soir dans leur chambre, alors que Mistou feuillette un magazine allongé sur son lit, Claire décide d'écrire une nouvelle lettre à ses parents. Sa mère la presse de revenir et s'agace, dans ses lettres, de ne pas obtenir de réponse précise, une date. Malgré les récits de sa fille, elle semble ne pas bien comprendre comment se passe sa vie à Berlin. Novembre 1945. Chère maman, ici le ciel est tout bleu et il ne fait pas froid. Je suis revenue hier d'une tournée de 3 jours. Rien d'extraordinaire à raconter, si ce n'est que nous n'avons rapporté que des actes de décès, tous nos malades étant morts. À Halle, nous avons découvert un cimetière où chaque jour pendant 3 ans, un Allemand a enterré 20 cadavres décapités à la hache, français, belges, etc. Nous avons traversé 32 villages occupés par les Russes. Partout de la musique diffusée à toute force sur toutes les places. Cela de 6h du matin à minuit. Partout de grands portraits peints de Staline et des autres, des étoiles rouges, petites et énormes, de formidables drapeaux rouges. Les trains d'Alsaciens continuent à arriver. Avant-hier, ils arrivaient de Riga. Nous étions comme à chaque fois les premières Françaises qu'ils voyaient. Ces Alsaciens, presque tous des Strasbourgeois, pleuraient de joie. Enfin, on s'occupait d'eux. Il faut vraiment avoir vu ces trains pour comprendre. Tous ces pauvres garçons ont tellement souffert qu'ils en étaient arrivés à ne plus rien espérer. Ils étaient traités par les Russes exactement comme des Allemands. Pas vêtus, pas nourris. Non seulement pas de nouvelles de chez eux, mais rien, pas un mot de la France. Tous malades, maigres, avec de grands yeux graves. Imaginez ces hommes qui brusquement voient des ambulances françaises avec des filles françaises qui leur apportent des cigarettes et des tas d'autres choses. Avouez, ma chère maman, que c'est un travail épatant, autant en tant qu'individu que pour la France. Avouez que cela vaut la peine de rester quelques jours de plus. J'ai reçu le parfum. Merci mille fois, il est merveilleux. Mistou part lundi pour Paris, elle vous apportera des photos de moi. Je vous embrasse de toutes mes forces, ainsi que mon papa qui m'a oubliée, mais que j'aime toujours autant. Votre petite Claire. Bon, on peut dormir maintenant ? Oui, oui. C'est bientôt fini, cette danse de Saint-Guy. Tu penses à lui, c'est ça? À ton bel officier russe. Oh mon Dieu, Mistou, qu'est-ce que je vais devenir? Il s'appelle Ivan Vyazemsky. Il est né en 1915 à Saint-Pétersbourg et sa famille, comme des centaines d'autres, a émigré au moment de la Révolution. Longtemps apatrides, ils ont obtenu la nationalité française dans les années 30. Via, comme tout le monde le surnomme, a été mobilisé dès la déclaration de guerre. Il a tout de suite été fait prisonnier. 5 années de camp, 5 années de privation n'ont pas eu raison de sa confiance et de sa joie de vivre. Délivré par les soviétiques, il a combattu à leur côté pour rejoindre ensuite Léon de Rosen, dont il est à la fois le bras droit et le meilleur ami. C'est l'officier français le plus populaire du 96 Kurfürstendamm. Les femmes comme les hommes l'adorent. Il est toujours le premier à partir en mission, le premier à improviser une fête. Parlant 7 langues couramment, dont le russe, le français, l'anglais et l'allemand, il sait se faire des amis partout, aussi bien dans le camp où il était prisonnier que dans Berlin occupé par les alliés. Ses qualités font de lui un excellent négociateur. Les filles le réclament souvent quand elles vont chercher des Français en zone soviétique. Il nous a toutes mises dans sa poche. C'est sûr qu'avec lui, on va pas s'ennuyer. Quel charme! Il paraît que c'est un authentique prince et que sa famille est une des plus anciennes de Russie. Prince ou pas prince, quel charme! Et bon danseur. Il en fait trop. Pour te plaire, ça oui. Ah bah. Pardon. Ah, tiens. Le voyage de François Mauriac en Suisse. C'est qui, ce François Mauriac? Voyons, tiens, tu te fiches de nous. Tu ne peux pas ignorer qui est François Mauriac. Mais si. Alors, qui c'est? Eh bien, enfin, via François Mauriac. Mais... C'est le plus grand des écrivains français, c'est un académicien, un grand résistant, et puis enfin, mais... Via, mais c'est le père de Claire. Mon Dieu, je suis désolée, je ne savais pas, vraiment. Je suis vraiment en dessous de tout. Non, mais non, ce n'est pas grave. Mais si, c'est idiot, vraiment, absolument ridicule. Ne vous inquiétez pas, vraiment. Claire avait envie de chanter de joie. Elle venait de rencontrer un homme... qui enfin s'intéressait à elle et rien qu'à elle. Un homme qui ignorait l'existence de son illustre père et pour qui la littérature, les livres, ne comptaient pas. Cette situation si nouvelle l'enchantait. Ainsi va le monde. Au cours d'une mission, alors que les soviétiques niaient détenir des prisonniers français, Via avait décidé d'obtenir gain de cause, de ne pas rentrer bredouille. Il fallait passer la nuit sur place pour reprendre dès le matin les négociations. Ils avaient trouvé à se loger dans une maison occupée par l'armée rouge. Mais Via était inquiet. Il savait que la présence des jeunes femmes, des étrangères, exciterait la convoitise des soldats russes. Claire, Mistou, Roland n'est plus maître, votre chambre est en haut. Fermez la porte à clé et coincez une chaise derrière la porte. D'accord. Ça ira? Il faut bien, oui. Bon, de toutes les façons, je ne serai pas loin, vous n'aurez qu'à m'appeler. Oui. Allons nous coucher. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Claire. Et n'oubliez pas, la chaise. Viens. Claire va lui ouvrir. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai un cadeau pour vous, mon poignard. Cela vous servira si un de ces ivrognes vous menace. Surtout, n'hésitez pas à le lui planter dans la gorge ou dans le cœur. Bonne nuit. Bonne nuit. Cadeau. Espérons que tu n'auras pas à t'en servir. Allez, mesdemoiselles, au lit. Extinction des feux. Mon Dieu, Mistou, qu'est-ce que je vais devenir? C'est ton soupirant qui te met dans cet état. Quel soupirant? De quoi tu parles? Le prince russe aux grandes oreilles décollées. Bon, c'est ce qu'il a de mieux, hein, ces grandes oreilles décollées. Oh, je la sens. Elle est là. Elle monte. Quoi? La migraine. Qu'est-ce qui est le pire pour toi? Le prince russe ou la migraine? Großer Transportschwierigkeiten entlässt England weiterhin laufend deutsche Kriegsgefangene. 15.000 treffen jeden Monat in Deutschland ein. Berlins Oberbürgermeister Dr. Ostrowski begrüßt auf dem Bahnhof Berlin-Grunewald Heimkehrer aus britischer Gefangenschaft. Depuis le partage de la ville en juillet 1945, Berlin est devenu une gigantesque machine à trier les réfugiés. Ils sont environ 500 000 à arriver chaque mois dans les secteurs anglais et américains. Les équipes du 96 Kurfürstendamm continuent à se rendre dans les gares, dans les camps soviétiques. plus loin encore dès que quelqu'un leur signale une possible présence française. À Francfort-sur-l'Oder, où des trains déversent des êtres qui n'ont plus de nationalité, plus d'identité, plus de place en ce monde. Parmi eux se trouvent des Juifs qui ont miraculeusement survécu, des Allemands qui ont fui le régime d'Hitler, mais aussi d'anciens volontaires français qui ont servi dans les armées nazies et qui cherchent à se faire passer pour d'anciens prisonniers. Ou des Alsaciens, des malgré nous. Claire côtoie chaque jour le destin tragique de ces milliers d'êtres humains. Cela n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle a connu durant la guerre, à Béziers. Il ne s'agit plus pour elle de participer à des actions héroïques, de soutenir les mouvements de la résistance, mais de mener une autre lutte plus obscure, plus ingrate, une lutte minuscule. Chercher, trouver et sauver de la mort des personnes oubliées. Maintenant, elle sait qu'elle aime profondément la vie à Berlin. Elle la trouve à la fois cruelle, sordide et étrangement belle. Comme durant la guerre, elle s'étonne de mener une vie qu'elle croyait réservée aux héroïnes de romans, ceux qu'elle dévorait adolescente et qui lui faisaient paraître si terne son quotidien de jeune fille. Le 11 novembre au soir, une grande fête a lieu au 96 Kurfürstendamm pour célébrer l'armistice de 1918. Des Français, des Anglais, des Américains et des Soviétiques se côtoient dans une entente parfaite, oublient ce qui, le jour, les divise. Comme il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, les filles des Croix-Rouges françaises et belges ne cessent de danser, passant de bras en bras. Claire. Oui. Tu es si belle. Invraisemblable ce que tu danses mal. Invraisemblable. Oui. C'est grave ? Oui. Enfin, non. Я люблю тебя. Я не хочу жить без тебя. Mais qu'est-ce que tu baragouines, Dia ? Je ne baragouine pas, je te parle en russe. Je t'aime. Oui, c'est exactement ça. Je t'aime et je ne veux pas vivre sans toi. Merci, ma Roland. Double dose de café pour moi. Dieu, c'est contagieux. Oh, celle du matin, la meilleure. Claire, tu fumes trop. Écoutez ça, les filles. Notre Clairette est dans elle. Wow. Attends. Alors, Ah, voilà. Depuis 5 ans, on ne les voyait plus. Le temps a passé, les petites sont devenues grandes. Jules Rému a une fille de 20 ans, Paulette... Claire Mauriac. Claire Mauriac, la fille de l'auteur des Mal-aimés, est actuellement à Berlin. Conductrice d'une automobile de la Croix-Rouge, elle s'occupe du rapatriement des derniers prisonniers français restés en zone russe. Elle n'a pas encore eu le temps de penser à ce qu'elle fera plus tard. C'est la gloire, ma Clairette, c'est la gloire. Une cartouche de cigarette pour vous, les filles. Merci, merci. Super. Bia, qu'est-ce que tu as dans la main ? Devine. Animal, végétal ou minéral ? Aucun des trois. Montre-moi. Une étoile rouge. Elle est magnifique. Merci, Bia. Elle m'a coûté 2 bouteilles de vodka. Il était coriace, cet officier russe. Marolane, tu m'aideras à la coudre à l'intérieur de ma veste ? Mais oui, ma Clairette. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ce sera le joyau de ma collection. C'est toi, Claire, sur la photo ? Oui, c'est moi. L'auteur des Mal-aimés. C'est l'écrivain ? C'est ton père, c'est ça ? En parlant de Claire, on parle de vous, les filles. C'est bien qu'on reconnaisse le formidable travail que vous faites à Berlin. Je suis fier, très fier. Le devoir m'appelle. À plus tard, mademoiselle. À plus tard. Adieu. Claire, j'avais oublié une lettre pour toi. Merci. C'est ma mère. Je monte vite la lire. À tout de suite, les filles. À tout de suite. cette lettre répond à la dernière envoyée par Claire à ses parents. Elle y narrait de façon désordonnée sa rencontre avec Via. Portée par son besoin de parler de lui, elle n'avait caché ni son origine russe, ni son ignorance quant à ce qu'il ferait plus tard après Berlin. Sa mère, comme elle aurait dû s'en douter, s'inquiète, la met en garde contre cet inconnu, réclame plus de renseignements sur sa famille, sur leur train de vie. Selon elle, Claire perd la tête à Berlin. Elle doit se ressaisir, rentrer définitivement à Paris. La seule explication qu'elle trouve à ce qu'elle traite d'absurde tocade est d'origine médicale. Claire souffre de surmenage. Une raison de plus pour venir se faire soigner en France. Elle lui rappelle que la guerre est finie, que sa place, sa seule et vraie place, est 38 avenue Théophile Gautier, au sein de sa famille. La lecture de cette lettre décourage Claire. Sa mère la traite comme une petite fille, lui indique le chemin à suivre, pire, lui donne des ordres. Encore une fois, on ignore la femme qu'elle est devenue. Elle sait que derrière sa mère, il y a son père, sa sœur, ses frères, qu'ils sont tous du même avis quant à son avenir. Les missions des derniers jours pèsent sur son humeur. Avec Roland, elles ont dû retirer leur bébé à de jeunes femmes allemandes. C'était un ordre. Les pères français de ces enfants ont été portés disparus. Les enfants doivent être arrachés à leur mère pour être rapatriés en France où, peut-être, personne ne les désire. Claire est fatiguée, chère maman. Lasse. Mais elle décide de répondre à sa mère. Je prends un instant, un départ dans 10 minutes. Chère maman, j'apprends à l'instant un départ dans 10 minutes. Il est 8 heures du matin et nous allons à l'enterrement de 3 Alsaciens qui n'ont pas survécu à leur transfert. J'ai reçu votre lettre. Ne craignez rien, je suis très heureuse. Je vais vous écrire plus longuement aujourd'hui ou demain, mais j'ai voulu vous rassurer dès ce matin. Nous partons à Paris le 12. Je vous embrasse de toutes mes forces. Avant de glisser sa lettre dans l'enveloppe, Claire souligne d'un trait ferme ce qui lui semble essentiel. Je suis très heureuse. C'était « Mon enfant de Berlin » d'Anne Wiesemski. Adaptation Victoria Cario. Deuxième épisode. Il s'appelle Ivan Wiesemski. Avec Aurélia Petit, Claire. Julien Honoré, Via. Pauline Ziadé, Martine. Céline Milia Baumgartner, Mistou. Mélanie Bestel, Roland. Agathe Le Bourdonnec, Plumette. Joachim Salinger, Léon de Rosen. Et Anne-Claude Romary, la narratrice. Et les voix de Sarah Jalabert, Bojana Orakova, Duncan Evenou, Tibor Radvani, Vladimir Kudravtsev, Louis-Marie Audubert, Johannes Hamm, Pierre-Marie Schneider, Marina Kalchevski, Sergio Popescu, Gavin McDonough. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Renaud Flouzin-Rosic, Marie Le Peintre, Pierre Mine. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Laurence Courtois. Mon enfant de Berlin, d'Anne Wiesemski, est publié aux éditions Gallimard.